Donc un propos que les gens de la sunna ne disent pas. Donc il n'a مشارك احد من الصحابه في قتل عثمان رضي الله عنه. Il n'a مشارك احد من الصحابه في قتل عثمان. Donc il n'y a aucun compagnon, donc à prendre part avec les khawarij lorsqu'ils ont encerclé la maison de Uthman et lorsqu'ils l'ont tué, radiallahu anhu wa arda. D'accord. Donc là, c'était le 11e fondement reproché à cet homme. Et maintenant, on passe au 12e fondement. C'est l'excès à l'égard de la personne de Al-Hajouri. Chose qu'il agrée qu'on voit. C'est-à-dire qu'il ne dit pas au Tullab et ainsi de suite de ne pas faire ses éloges où il y a le roulou, où il y a l'excès, où il y a des propos. Donc, tellement étonnants, comme on va voir, Imam Thaqalayn, Imam des djinns et des hommes, et ils ont dit que si on va le diluer ou on va le fondre, ça va donner du sunnah et donc du livre, wallah musta'an, c'est des propos tellement de l'exagération comme les propos des soufis et les propos des gens qui ont beaucoup de relou à l'égard des hommes, Donc, il y a beaucoup d'exemples d'excès, c'est-à-dire de al-ghulou, du fanatisme, envers cet homme. Nous en citons quelques exemples. Il y a beaucoup donc d'exemples relevés par Cheikh Arafat. Nous nous contentons de signaler certains exemples. Donc, la parole, Imam al-Thaqalayn al-Yamani. Imam al-Thaqalayn al-Yamani. Comme dans un poème qu'il écouta. Et après quoi, il dit, Jayyid. عتاب جيد ينتبهون c'est-à-dire il a dit c'est bon c'est un bon blâme c'est-à-dire il s'adresse au poète il a dit tu leur as fait un bon blâme donc ils vont s'aviser de ce qui est dans le poème donc il a agréé cette expression qui est Imam al-Thaqalayn al-Yamani. Et cette expression, Imam al-Thaqalayn al-Yamani, fut reprise dans le livre Al-Khiyana al-Da'awiyya, page 119, et qui est un livre écrit par Abdel Hamid al-Hajouri. Et dans ce même livre, qui est Al-Khiyana al-Da'awiyya de Abdel Hamid al-Hajouri, la page 109, un poète dit de Al-Hajouri, لو ذوبوه لذاب لحمه سنة ولصار آيات الكتاب الباقي. Traduction un peu donc tentative de traduction de cette parole d'excès. Si on le fait fondre, لو ذوبوه, si on le fait fondre, sa chair sera de la sunna et il sera les versets du livre éternel. Regardez ce relou, wallah musta'an. Et il y a même d'autres innovations que donc ce vers il fait penser à d'autres innovations c'est-à-dire manifestes qui vont considérer que que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est créée donc ça frôle c'est-à-dire cela al qawl bi khalq al quran la sara ayat al kitab al baqi d'accord. Et donc là, لو دوبوه لصار لحم سنة. Le kitab ou sunna, c'est un wahi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à voir avec la chair des hommes. N'a rien à voir avec la chair des hommes, ni avec la création. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour éclairer la voie des hommes. Et pour montrer aux hommes leur voie. Wallahu al-musta'an. Donc, il y a cette parole que nous venons de citer, et je rappelle sa traduction. Si on le fait fondre, sa chair sera de la sunna, et il sera les versets du livre éternel. Et dans un autre poème, qu'il écouta, sans réprimande, sans gronder et sans réprimander, le poète compare Al-Hajouri au messager. Puis à Abu Bakr, puis à Omar, puis à Uthman, puis à Abu Moussa al-Zubaydi, puis à Khalid ibn al-Walid, et puis à At-Tawfayl al-Dawsi, et puis à Ibn Abbas, il a tout cela, Wallah musta'an, et puis à Muawiya, et à Amr ibn al-As, d'accord, et puis à Ahmed ibn Hanbal,